pays, ça va faire prendre 2, moi je dirais plutôt. Ouais, on verra bien. Ok, on commence. Thank you. Soprano parce que